bien, on pouvait te faire percer les nuages. Si j'avais un peu de courage, je pourrais, si je le voulais, sauter sur la mer, brûler la pierre, comme un bout de bois, bien loin du rivage. Si j'avais deux doigts de courage, j'étais bien plus brave il y a 10 000 ans, encore formé de lave du fond du volcan. Quand j'éclaire la nuit, pierre incandescente, tout juste vomie d'une gueule fumante. Je pourrais, si je le voulais, comme un air glaciaire, comme la pierre, suivre la moraine sans plus d'amarrage. Si j'avais trois grains de courage, je pourrais, si je le voulais, quitter ma carrière, s'agiter la pierre, laisser une cuvette après mon passage. Si j'avais des miettes de courage, j'étais bien plus brave il y a 10 000 ans, encore formé de lave du fond du volcan. Quand j'éclairais la nuit, pierre incandescente, tout juste vomi d'une gueule fumante. Si j'avais un peu de courage. J'étais tellement plus brave il y a 10 000 ans, refroidi la lave, éteint le volcan. Et si j'ai l'illusion de faire un voyage, c'est que l'érosion use le paysage. Alors je tue le temps du soir au matin, en faisant la course avec un sapin. Il n'a pour l'instant qu'une branche d'avance, j'ai encore ma chance, je